C'est simplement, toi, tu es en train de nager, tu te baignes dans l'océan, et puis à un moment donné, tu, au lieu de te voir dans l'eau, tout ça, au lieu de te voir, par exemple, tu commences à être fatigué, là, puisque tu avales une gorgée d'eau, puis tout ça, puis là, tu t'es concentré sur ton propre événement même. Tu es en train de te noyer ou tu es fatigué, ou etc. Là, à un moment donné, c'est comme si ta perception consciente de toi-même dans l'eau, là, s'élargit, là. Là, tu te vois tout le temps, mais tu vois tout l'océan, tu vois le bateau qui s'en vient de sauver, tu vois l'ambulance qui attend sur la plage, tu vois tout. Puis là, tu reviens dans toi-même. Bon. Puis là, il n'y a plus de problème, là. Je veux dire, l'événement lui-même est vraiment pas important. Si, par exemple, tu aurais à mourir, prenons un exemple, plus épeurant, pour le monde qui a peur de mourir. Tu nous choisis que des exemples où il y a toujours que des morts dans tes exemples. Tu dois être en train de vivre vraiment une phase de mort, parce que... Oui, effectivement, je sur 10 exemples que tu nous as donné... Il n'y a que la mort dedans. OK. Prenons un autre exemple. Avec de la vie. Oui, tout le temps. En tout cas, ça t'explique quand même un peu c'est quoi l'observation. Si tu es en train de mourir, tu vas voir beaucoup plus vaste. Tu ne verras pas ton corps minuscule, tout ça. Tu vois un événement qui est global. Tu vois ton utilité dans l'événement. Tu vois ta position, ta place dans l'événement. Tu vois, tu comprends instantanément différentes choses qui fait que l'événement n'a plus aucune importance pour toi. Puis le jeu de ton émotivité à l'intérieur de l'événement, tu le vois. Tu vois comment c'est enfantin, tu comprends, ça peut plus créer d'importance au niveau de ton émotivité, parce que tu vois, en même temps que ton émotivité capte l'événement que tu vis, il capte la conscience de l'événement que tu vis. Fait que lui-même est rassuré. Mais c'est une observation d'une chose. Toi, au lieu d'être limité à ton propre corps et à l'événement qui te touche présentement, tu as une perception globale de ce qui se passe. Puis il y a bien des choses qui disparaissent. Tu vois le jeu de la peur. Tu vois sa naissance, sa vie, sa mort. La peur disparaît automatiquement. Alors, comme tu dis, tu vois le jeu de la peur. Donc, il y a un contrôle qui se fait au niveau des émotions. Et c'est peut-être ce qui enlève de l'intensité à ce que tu vis, au drame que tu peux vivre. Ben, l'intensité disparaît. L'intensité du drame disparaît. Par le contrôle de l'émotion. C'est-à-dire que tu ne parles pas... Ou la compréhension de ce que tu vis. Par la compréhension de l'émotion, oui. La compréhension de ce que tu vis, totale, oui. Consciente, enlève la partie émotionnelle ou l'intensité de l'émotion qui fait que tu aurais souffert beaucoup plus si ça n'avait pas été... Ton auto a un accident. Tu sors de ton auto, puis tu regardes ça. Puis là, là tu vois tout, là, que tu avais un rendez-vous, là, puis il venait juste de sortir de la peinture, ben non, tu venais juste de l'acheter, tes vacances la semaine prochaine. La panique, là, ta mémoire, tes émotions embarquent, puis là, tu peux pas du tout réussir à voir, puis là, tu peux crier après le gars qui t'a frappé, enfin, toi, tu peux t'écraser, tu peux pleurer, tu peux transpirer, enfin, tu peux réagir différemment. Si, à un moment donné, tu t'observes, toi, tu prends conscience de l'événement au complet, tu vas te rendre compte simplement comment c'est futile, le fait que tu réagisses comme ça, pour la simple raison que, mettons, tu es en train de pleurer, ben, tu vas prendre conscience que tu pleures parce que ton char est magané, puis dans ta tête à toi, là, ben, c'est vraiment pas important, c'est ridicule. Bon, mais ça semble élémentaire, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne pas comme ça, alors? Pour la simple raison que présentement, l'intellect, le mental de l'homme, qui commence à prendre le dessus un peu dans sa vie, qui commence à pouvoir prendre des décisions sans être teinté par ses émotions, mais présentement, cette parcelle-là de l'homme, parcelle quand même qui est psychologique, est trop colorée puis trop sous le contrôle des émotions. Alors, ce qui fait que moi, au lieu de réfléchir, mettons intelligemment, bon, j'avais un rendez-vous à 2 heures, mon char est magané, fait que je vais prendre l'autobus qui s'en vient, mais là, mon rendez-vous. J'ai des assurances, j'ai ci, j'ai ça, bon, en tout cas, même si j'en ai pas, ça change rien mon événement. Mon mental va travailler, voilà mon rendez-vous, puis m'arriver là aussi clair que je suis avec mon auto. Pourquoi? Parce que mes émotions viennent pas teindre mon mental. Mais si toutes mes émotions viennent s'en mêler, mon mental, il peut rien faire, il peut pas prendre de décision, il peut absolument rien faire. Puis là, tu es assujetti justement à tout le phénomène astral, au phénomène émotif. C'est complètement court-circuité de la réalité à ce moment-là. Oui, exactement, la réalité. Tu rentres dans l'illusion complètement, puis tu en fais partie, tu joues le jeu. Ben, automatiquement, tu joues le jeu du film. Tu souffres avec. Ben, exact. Tu peux pas faire autrement que souffrir parce que c'est pas une réalité. Mais tu peux pas t'en sortir, vu que c'est pas une réalité. L'homme peut régler des choses qui sont réelles. Mais les choses qui sont réelles sont jamais des problèmes. Ils ont pas besoin d'être réglés. Est-ce que ça viendrait pas aussi tout simplement du fait qu'on se prend peut-être trop souvent au sérieux? On met trop d'intensité, trop de sérieux dans ce qu'on vit. On se prend au sérieux, mais on prend au sérieux nos émotions. On prend trop au sérieux notre psychologie. Mais est-ce que tu es d'accord avec les psychologues qui disent il faut vivre ses émotions à fond, etc., toutes ces thérapies où on te fait vivre les émotions? Bon, c'est parce que, oui, je suis d'accord dans ce que tu as dit, vivre ses émotions à fond, mais il ne faut jamais les pousser plus loin que ce qu'il y aurait à être poussé. Alors, c'est pas parce que tu pleures qu'il faut que je fasse pleurer pendant 2 semaines. Pour te dire, tu vas vivre ton émotion à fond. Non, c'est ridicule. Je réengendre l'émotion continuellement pour la faire vivre. Bon, ça, c'est ridicule. Ce qui arrive simplement, c'est qu'il ne faut pas non plus que tu contrôles une émotion. Si tu as le goût de pleurer, c'est normal. L'astral, on dit que l'astral, l'émotivité vient toujours teinter la partie intellectuelle de l'homme, sa partie mentale. Faut pas non plus que la partie intellectuelle ou mentale vienne contrôler ou teinter la partie émotive ou astrale. Alors, si moi, j'ai des émotions, je laisse aller. Mais mes émotions ne peuvent pas, c'est mon cas, perturber mon mental. Ils perturbent jamais mon intellect. Alors, ce qui fait que si, à un moment donné, intellectuellement parlant, j'ai un événement où je dois faire quelque chose, ben, l'émotion fait. Puis, je suis apte à agir. Puis, moi, personnellement, j'ai des émotions quand ça me tente, c'est vrai. Ils surgissent, mais s'ils sont là pour me nuire, ben, ils peuvent pas me nuire. C'est la même raison que je vois tout comment ça fonctionne. Tu restes en possession de tes moyens et au poste de commande, au levier de commande. Tout le temps, c'est ça. Au lieu d'être contrôlé par mon émotion, je suis contrôlé par mon mental. Et c'est plus efficace. Pratique. Qu'est-ce qui est important pour toi, fondamentalement, dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Laisser faire. Pas grand-chose de ce qui est important pour moi dans la vie. J'ai plein de visées astrales, j'ai plein de goûts, de désirs comme tout le monde. Il y a des choses, par contre, que je sais qui vont arriver, qui me plaisent, mais qui ça arrive pas, ça ne me dérange absolument pas. Il y a absolument rien d'important, puis ça encore, c'est traumatisant pour une personne de me dire, à un moment donné, il faut qu'on ait des buts dans la vie, il faut qu'on ait des raisons d'être, il faut qu'on ait des raisons de vivre. Oui, il faut tout ça quand on ne sait pas pourquoi qu'on vit. Mais quand on sait pourquoi qu'on vit, on n'a plus besoin de but. Est-ce que ça ressemble pas un peu à la philosophie zen du lâcher-prise? Alors ça, je peux pas te dire, mais je sais que ben le zen s'y rapproche, mais mettons que moi, je me suis pas tardé à étudier tellement leur philosophie. Mais je sais que, pas la philosophie zen qu'on enseigne dans les livres ici, là, mais au niveau des Corans, tout ça, la philosophie, ouais, ça pourrait se rapprocher à l'état même de non-être, de non-faire, de faire sans faire. Faire, puis pas t'attacher à ce que tu fais, ces choses-là, oui, ça se rapproche à ça. De toute façon, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Oui, plante un arbre, puis l'arbre grandit, puis même si tu veux que l'arbre ne meure pas, même si tu veux que l'arbre dépasse pas telle grandeur, même si tu veux que n'importe quoi, non, tu fais, puis tu laisses faire. Tu n'as pas à t'attacher à ça. L'arbre va mourir. Si tu es attaché à ton arbre, ça va te faire de quoi? Mais c'était prévu déjà à l'instant même où l'arbre est venu au monde, qu'il était pour mourir. Alors pourquoi toi créer un phénomène d'attachement à ton arbre? Parce que de toute façon, tu vas le perdre. Mais l'homme est comme ça. Mais c'est quoi la différence entre la vérité et la réalité? Parce que tout à l'heure, tu parlais des deux. Est-ce que tu fais une différence entre vérité et réalité? Non, je donnais les deux simplement. Ou une nuance? Oui, il y a une légère nuance entre la vérité. Puis c'est que la vérité est toujours assujettie au mensonge. Puis la vérité, c'est quelque chose qui... j'employais ces deux termes-là, mais simplement pour faire la liaison. Il va falloir que tu expliques ça avant d'aller plus loin, que la vérité est assujettie au mensonge. Je ne peux pas continuer, il faut t'expliquer ça. Bon, d'accord. La vérité, c'est quoi? C'est quelque chose que l'homme détermine de par ses propres expériences, c'est quelque chose qui est vrai. C'est une vérité. OK? Mais c'est quelque chose que l'homme peut enseigner. Mais en partant, vu qu'il détermine de par ses propres expériences, si l'expérience ou si la compréhension ou l'interprétation de ces expériences-là était fausse, sa vérité peut être fausse. Ce qui fait que une vérité que tu amènes, moi, je peux ne pas y croire ou moi, je peux la trouver fausse. Où je peux la trouver nuancière. Ça veut dire qu'on a chacun notre propre vérité. Ça n'a pas le choix, c'est évident. C'est pour ça que souvent la vérité, puis même de toute façon la vérité, c'est collé à l'illusion. C'est-à-dire que la vérité et le mensonge, c'est pareil. On est dans un monde de toute façon qui est binaire. Tu veux dire qu'il peut y avoir du mensonge dans la vérité ou de la vérité dans le mensonge. De toute manière, la vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas se vivre, qui ne peut pas être expérimenté par l'homme. Donc, une vérité, on peut en parler. Moi, je parle, maintenant, je peux dire c'est la vérité, mais c'est sujet à interprétation. Donc, en partant, ma vérité ne peut jamais être pure. Une réalité, c'est quelque chose qui se passe réellement. Alors, quand je parle de tout à l'heure, j'essayais de faire une liaison de vérité et réalité, c'est parce que dans le vocabulaire du monde, c'est encore un peu similaire, là. Mais une réalité, c'est quelque chose qui se vit. C'est réel que tu es assis là, c'est pas la vérité, c'est une réalité. C'est différent, c'est plus fort. Alors, quand le Christ a dit « Je suis la vie, la voie, la vérité », il était dans l'illusion du mensonge? Ben, je sais pas si lui l'était, mais de toute façon, le terme « réalité » n'existait sans doute pas, et le terme « imagination » non c'est plus. Ça, alors, il y a des termes qui sont employés à un moment donné, à une certaine époque. C'était juste une mauvaise question. OK, bon, parfait, mais... Ça t'ennuie un peu. Bon, c'est pas trop ennuyant. Alors, on parlait du mensonge, de la réalité. Et puis, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que les événements que tu vas vivre sont une réalité. L'interprétation que tu vas faire de ces événements-là peut être une vérité, mais peut créer un mensonge. Mais tu peux t'en faire une vérité. Alors, le fait, par exemple, qu'à un moment donné, en passant près du poteau d'arrêt d'autobus numéro 100 sur telle rue, j'ai été guéri instantanément d'un cancer incurable, c'est une réalité. L'événement est une réalité. Moi, je peux m'en faire une vérité. Tu sais qu'on passait là, c'est un fait, j'ai été guéri, tout ça, mais ça, c'est mémoriel. C'est plus une réalité, c'est plus dans le vécu. Ça ne fait pas nécessaire que ceux qui vont passer là vont être guéris non plus. Mais il y a eu une réalité. Cette réalité-là, elle est réelle. De par la réalité, c'est quelque chose de réel. Pour être réel, il faut que ce soit vivant. Il faut que ce soit là. Alors, la réalité, pour toi, ça se passe dans l'instantané. Alors, automatiquement. Sinon, c'est pas réel, c'est pas vivant. On dit pourtant que la vérité est éternelle. Oui, la vérité est éternelle, mais ça, c'est, veut dire, on peut jouer avec des mots comme ça puis dire des choses, mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si le mot vérité est interprété de différentes façons par différents individus, ben il y en a qui vont interpréter le mot vérité dans le sens que moi, j'interprète réalité. On s'entend bien, on n'a pas besoin, la vérité, c'est la réalité. Mais ce mot vérité-là date de tellement longtemps, qui a tellement été employé par différentes bouches, qui fait qu'à un moment donné, la vérité, c'est quoi? Ah ben, ça peut être tellement de choses que balayons ces choses-là, puis mettons un nouveau mot pour désigner. C'est ça. Alors, il a fallu créer un nouveau mot parce qu'il y a une évolution dans l'humanité qui se fait de plus en plus rapide à ce niveau de conscience, là, de la conscience qui a conscience d'elle-même. C'est exactement on peut expliquer ça, ça oui, comme ça. Donc, ça prend de nouveaux mots pour expliquer une situation dans laquelle il n'y a pas d'émotion ni d'intellect. C'est officiel parce que l'homme n'a pas vécu ça. La chose pure, brute, telle qu'elle est, oui, sans coloration. Mais il ne faut pas. Mais ces nouveaux mots-là sont des formes. Puis, comme le mot vérité, comme le mot amour, comme le mot paix, comme le mot tout ça a servi au bout des fusils, des canons, bien, le mot réalité avec peut, à un moment donné, être interprété. De toute façon, on n'a pas le choix. N'importe quel mot qu'on va lancer au public, c'est un mot qui va être interprété. Même par ma propre pensée, à un moment donné, il va être interprété. Mais c'est plus facile de communiquer avec un mot, quand même, qui n'est pas sujet ou qui n'a pas une mémoire d'interprétation qui date de milliers d'années. Parce que paix, peace and love, on a vu ça chez les hippies. Mais il fallait que tu suives le loi en tabarnouche parce que peace and love, mon œil. Paix et amour, ce qui est enseigné par les religions ont fait la guerre continuellement. Alors, si à un moment donné, je te dis, moi, il faut croire en Dieu. Dieu est sujet à tellement d'interprétations que je peux même pas communiquer ce que je veux communiquer. L'amour, c'est important, mais c'est quoi l'amour? Bon, mais tout le monde a une idée, tout le monde a oui, mais si à un moment donné, je peux définir exactement, je prendrai pas le terme amour. Parce qu'en mettant le terme amour, même ma définition disparaît. À cause qu'elle va être mêlée à l'interprétation du mot amour déjà compris dans la mémoire de l'homme à qui je parle. Alors, ce qui fait qu'il faut que je prenne de temps en temps d'autres termes. Maintenant, on parlait d'astral. Pour pouvoir clarifier plus un phénomène de compréhension. Quand on parle d'ordinateur, ben, ordinateur, c'est chose qui ordonne. Mais dans le sens classé, pas dans le sens donner des ordres. Mais c'est des mots qu'on a inventés à un moment donné parce que ça n'existait pas. Pour que l'homme puisse plus clairement communiquer. Dans le domaine matériel, c'est comme ça. C'est normal. On a des satellites. On a des navettes spatiales. On a, bon, il y a des termes qui sont acceptés par le public. En psychologie, ben, il faut aussi qu'on invente de nouveaux mots. Puis il faut aussi qu'on réemploie des mots qui sont oubliés, mais qui sont déjà dans le vocabulaire de l'homme. Puis c'est important pour la communication, parce que tant que l'homme communique avec les mots, l'homme communique par interprétation. Puis en communiquant par interprétation, il communique donc par déformation. Bon, alors on va parler de la communication tout à l'heure. On fait une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, et on vous revient pour une autre heure. Merci beaucoup de votre attention. À tout à l'heure.